Sensuel qu'on calypse, le demain ou pas facile à faire flancher. Nous, nous, dis-moi, est-ce que c'est pas moi qui a déhanché? Bébé, oh girl, you are mine, you are wine, baby. Sensuel au moins, de détail. Oh girl, you are mine, you are wine, baby. Ça m'envise un faire pas banal, girl. Laissez-moi chichoter. C'est un des biens, un genre de rockstar. Girl, n'a pas besoin ni miro, en pas la bouche de mino. En genre de zanimo, en costa. Girl, ou cabrié, qu'on popstar. Envie fait un gémis, en balox là. Et puis moi, c'est vrai, l'eau, c'est pas toxal. Ou j'a savon qu'a fox ça. On nous approche comme nous. Collé comme on l'a mal laissé, moi, ouais, tout à tout. Girl, on pas même sous. Mais gagner tout ça, il fait ou fait moins. Oh, girl, you are mine. You are wine, baby. Sensuel au moindre détail. Oh girl, you are mine. You are wine, baby. Ça m'envise un fer pas banal, girl. Laissez-moi chichoter. Girl, look up à ma inspiration. En pleine méditation. On y fit son love en moi. Un mélange de palpitations et de excitation. Ça nous calme, fait banité moi. Ou j'arrête moi fou. Yes, I adore, fool. I'm mommy, kick a lot. Oh girl, you are mine, you are wine, baby. Sensuel au moindre détail. Oh girl, you are mine, you are wine, baby. Ça m'envise un faire pas banal, girl. Laissez-moi chichoter. On est en famille à nous. Si vous vivez que ou qu'à survivre, ou tomber du ciel qu'on l'a pris. Laissez-moi météo à l'abri. Y'a nous c'est en danger, qu'on Rihanna. Qu'à dégager vibe à chaque instant. On s'est dévoré ou qu'on Rihanna.